C'est fou ça. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Avoue que ça a l'air bon comme émission, hein? Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 4 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et ça va pas bien du tout un matin pour moi, donc... Mathieu, il y a de ces matins. Oh, il y a de ces matins que j'ai pas envie de vivre. Ah. Mais bon, on va le vivre ensemble, donc ça va nous remonter le moral mutuellement. Oui. C'est ce qui se passe à la radio, c'est comme ça qu'on fait ça. Ben oui, on se remonte ensemble. Oh, comme on se remonte ensemble. Ben oui. On se pompe l'un l'autre. Tous les matins. Oui. Aujourd'hui, l'émission, on a Jean-Samuel Guy qui va être là pour sa chronique de voiture PRNDS, véhicule et autres choses à roues. On va parler d'art et spectacle avec Alexandra Carignan, le temps d'une culture. Ça va être à 9h. On va aussi discuter de choses osées dans King Sexy Time, c'est le classique du mardi. Pas mal ça. On va se faire monter, je te l'ai dit. Vous ne croirez pas les hauteurs qu'on va atteindre aujourd'hui. mais on débute avec The New Sexy Mathematics truc. Oui, Sexy Mathematics, voici The New Illusion. Et on vient après ça, on parle de chaudre. Au! Hein? Sexy, ça? Oui. Au! Ouais. Hey, aujourd'hui, il n'y aura rien de prêt à temps. Fait que s'il y a des blancs, là, c'est ma faute. OK. OK? On met ça sur ton dos. C'est ça. Capable d'en prendre. Bon. Ça a été long, hein? We'll be right back.

Tellement cool, tellement le fun, Amigo Express, on aime ça, système de covoiturage, des petites histoires. Tabac avec un étudiant en médecine, une avocate, tabac avec une grand-mère qui a des biscuits tout le temps, t'as fait, ce que tu dis. Tout le temps, des univers le fun, sympathiques. Et en passant, ils ont tapé les 150 membres récemment. Fait que, sérieusement, Amigo Express, rien à redire. Pour ceux qui ont utilisé l'Allostop déjà une fois dans leur vie. Non, vous n'avez jamais utilisé l'Allostop? Non, ni l'un ni l'autre. Ah, quel système à développer. Ah oui, c'est pas pareil. Non, c'était vraiment mal fait, l'Allostop. Puis Amigo Express, ça vient pallier à tous les besoins qu'on a. C'est très bien fait, donc vous pourrez lire ça dans le prochain Zone Campus. Et j'avais offert un numéro écrit sur les fellations en voiture. Eh bien, ça va venir dans deux semaines, inquiétez-vous pas. J'ai besoin d'encore un petit peu de développement, faut que je me pratique. Ouais. À écrire, je parle, Le reste, ça va. On se rappelle que tu nous en avais parlé la semaine passée à l'émission, donc allez retrouver la balado de l'émission de mardi passé pour en savoir plus là-dessus. Sinon, on te retrouve mardi prochain à 7h30 pour une autre chronique PRNDS. Seulement, je vous invite à aller voir le Facebook, facebook.com/prnds.net. Je vais le mettre sur le vôtre aussi en même temps. On a une vidéo qui vient de sortir cette semaine sur la Fiesta et la Jetta. Cool. Vraiment très, très le fun. Tu voulais qu'on donne ton numéro de téléphone aussi, hein, je pense, c'est ça? Ah non, pas... Non, ça va, pas besoin. Non, je t'annique tout le monde. Appelle dans la nuit. C'est fatiguant, ça. Et mon Jean-Samuel Guy, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Toujours Assemblage requis dans quelques instants. Il y aura la chronique King Sexy Time. Oui. Mais avant ça, une petite pause. D'accord, Mathieu. C'est là. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 4 février 2014. Wow! Passez pas. C'est Jean-Philippe Charbonneau. C'est Mathieu Plante. Tu vois, c'est que je l'ai dit hier, mais il faut que je commence à m'habituer à dire février. C'est février, hein? Ça t'a dégingolé 2013 dans la bouche. Ça m'a dégingolé. Dégingolé. Vraiment dégingolé, je trouve. Tout à l'heure, on va faire son foutu palmarès. J'ai pour toi le palmarès des choses qu'on peut se permettre d'acheter dans un magasin à 1$, que ça vaut la peine de le faire. T'sais. OK, comme le Kraft Dinner. Ah, peut-être. On va pouvoir en rajouter à la liste. Ah ouais, j'aime ça. Yeah. Mais pour l'instant, voici une pièce de Royal Canoe. On s'en va entendre. Tiens, Hold On to the Metal. Juste pour varier un petit peu. Yeah. Ça, c'est fou. Dans vos oreilles. Tellement bon, ça. Oh. Tarzan? C'est tribal. Jane. Wouhou! Don't forget to focus close on the air above your nose. Let the watercolors bleed down the aisle of sandy feet. On the out across the sugar cane, through the mountain swelling veins. All the earth is coming free, it's a river running to the sea. At the ground, no hesitation. Gotta push the air to make a sound. Hold on to the metal, collide with the arms beside you. Be afraid of what's behind you. Get inside of what's inside you. Thank you. on the flatbed, you wake up on a rooster shit. Sweating every vibration, choking on your cries. Bouncing babies dancing to the rhythm of the ride. Had a conversation with the devil in his eyes. Won't you sip on the flatbed, you wake up on a rooster shit. Sweating every vibration, choking on your cries. Bouncing babies dancing to the rhythm of the ride. Had a revelation, we're never gonna die. What's behind you? Get inside of what's inside you. Pour into the metal, collide with the earth beside you. Be afraid of what's behind you. Get inside of what's inside you. Rattle Canoe, Hold on the Metal. Oh yeah! Hold on the Metal! Ça, là, ça c'est viril, ce poignet près du métal. Ouais. Ouais. C'est bon, du Rattle Canoe. Mais ça, chaque pièce est bonne. Tu vois, on a essayé une nouvelle. Une nouvelle, exactement. Ouais. Elle est très bonne. Maintenant, Jean-Philippe. Oui. Toi, ça paraît que t'es en bonne humeur aujourd'hui. OK. Ça a l'air de bien aller. C'est correct, ouais. C'est correct, ça. Ouais. Fait que, tu sais, t'es capable de suivre avec moi des choses qu'on va pouvoir s'acheter, mais pas cher. Pas cher. C'est comme le contraire de Sex Smith, ça devrait répondre là. OK. Ben, c'est des cossins au magasin de pièces. Parfait, je suis prêt. Voici son foutu palmarès. C'est son foutu palmarès où on établit une liste sur un sujet en particulier. Et aujourd'hui, on magasine un petit peu dans les magasins à 1$ pour trouver les articles qui valent la peine d'être achetés là. OK. Parce que des fois, il y a des affaires qui sont pas nécessairement de qualité dans les magasins à 1$. Peut-être moins dans celui qui est rendu à 2, 3, 3, je sais pas si ça va jusqu'à 3,50, ça va jusqu'à 3, je pense, hein, dans le magasin connu de, à 1$ d'habitude. Je crois que ça va jusqu'à 3. Donc, il y a plus de qualité qu'il y en avait. Oui, mais je pense que ça peut monter même un petit peu plus que ça. Ah oui, pour vrai. Aïe. Ouais, mais il y a d'autres magasins encore qui existent avec le carnaval du dollar ou peu importe les autres. Ouais. Ils ont tout un nom, le royaume, le château du dollar. Avec le mot dollar dedans. Tout le temps le mot dollar. Mais c'est ça, vous pouvez quand même acheter des affaires-là qui valent la peine. C'est selon Money Talk News. Ils ont rassemblé les objets qu'on peut acheter là-bas et qui sont mieux à acheter là-bas. Pour commencer, les cartes de souhait. Ah ben oui. Je pense que c'est logique, t'as pas besoin d'avoir la petite carte qui chante, t'as pas besoin d'avoir du glitter partout. Juste une carte avec des mots dedans qui sont, j'espère, écrits dans un français correct. J'imagine qu'ils doivent vérifier. Oui, j'espère. Sinon, prenez une carte qui a rien écrit dedans. Tu mets du liquid paper. C'est ça. Oui, c'est bon. Sinon, on avait conseillé aussi dans une chronique à Instruments d'assemblage de prendre deux cartes, une avec un texte, une pas de texte, puis de transcrire le texte dans la carte pour avoir l'air intelligent. tous mes vœux de bonheur en cette nouvelle année. Prospérité. ouais. Donc, des cartes de fête, des cartes, il n'y aura peut-être pas des personnages de dessin animé connus. Des fois, dans les magasins à 1$, tu vas avoir genre Anna Montana sur la carte. C'est l'émission de 2005 ou je sais pas trop quoi. C'est pas nécessairement un jour, mais quand même. Tu peux magasiner et trouver. Ensuite, des trucs pour faire des parties. OK. C'est classique. Là, on parle évidemment de chapeaux, les petits confettis. Clac, clac, clac. C'est comment t'avais ça? T'sais? Des clac. Des claquettis. Ouais, c'est comme ça. Je sais pas. Des nappes jetables. Évidemment, tout ça est là. Parfait pour une fête, une graduation, n'importe quoi. Que tu peux jeter après. Que tu peux jeter. De toute façon, c'est pas de la grosse qualité. T'es même pas supposé vouloir la qualité. Ou recycler, oui, c'est sûr. Ouais. C'est ça, la réutiliser avec les tâches, peut-être, dépendant de ce que vous faites. Là. Ensuite, les sacs cadeaux. Moi, c'est celui que je préfère. Aussitôt que j'ai un cadeau à acheter, je vais acheter un sac chez magasin à 1$. OK. Insérer son ici. parce que c'est plus simple, les sacs ressemblent à un sac. Ben oui. Tu peux pas vraiment manquer ton coup avec un sac. Donc, évidemment, les petits papiers qui vont dedans aussi, des trucs comme ça, les petits choux pour mettre sur un cadeau. Oui. Tout est là-dedans. Ensuite, les décors saisonniers. Que ce soit un petit arbre en bois ou un petit bonhomme de neige ou des trucs comme ça. Un truc pour mettre sur tes chandelles. T'sais. On dirait que tu magasines par aller, Mathieu. On dirait que c'est par aller, en effet. Mais c'est une bonne chose à acheter là. Peut-être moins acheter des affaires électriques. Moi, je sais que personnellement, les affaires électriques chez Magasin 1$, ouais. J'ai de la misère un petit peu. On a tous vu passer des affaires de feu sur Facebook. Ah oui? Mais bon. Ensuite, des lunettes de lecture. OK. Classique, je connais des gens qui font ça aussi. Ça reste de la qualité, ça reste qu'ils n'ont pas mal le choix, là, s'ils veulent que ça fonctionne et qu'ils puissent le vendre. Ouais. Donc voilà, c'est juste pour grossir les mots. Ceux qui ont de la misère à lire un livre, etc. Donc des petites lunettes de lecture, ça fait le travail. Ensuite, des accessoires pour les cheveux. Tu peux pas vraiment demander mieux. C'est sûr que tu pourrais avoir du gros luxe, mais en même temps, c'est vraiment important. Ben oui, c'est ça. Pas des bobby pins. Ouais, exactement. Des élastiques, des barrettes, des bandeaux. Des élastiques. Des élastiques. Ça fait rire ceux qui disent. C'est vraiment drôle. Ouais, je sais pas, des lacets peut-être de souliers, des trucs comme ça. Ouais. Que c'est pas grave si ça brille, ça en achètera d'autres. Ouais. C'est 1$. Hein? Ensuite, et étrangement, ici, selon Money Talk News, un test de grossesse. Ah! Tu vois, ça, je l'aurais peut-être pas fait ça. Moi non plus, j'aurais jamais pensé à ça, mais ils disent que la qualité est quand même là. C'est toujours mieux de l'acheter si on a beaucoup, souvent, besoin en emballage multiple, genre dans un autre magasin que ça. Mais si vous avez besoin de juste un test de grossesse, ça fait le travail aussi. Eh ben, nous dit-on. Ensuite, des vases. Ils sont presque aussi bons que ceux dans les vrais magasins. Ben. Pour 1$, et on s'entend qu'un vase, ça doit coûter, je sais pas, c'est de la vitre, là, j'imagine. Peut-être même plus qu'un dollar. Je sais pas, sûrement que s'ils font du profit sur leur pièce, peut-être que ça vaut moins qu'une pièce, mais moi, je trouve que ça a l'air de valoir plus cher que ça. Ouais, quand même. Mais bon. C'est peut-être pas de la vitre. C'est peut-être pas du plastique, tu penses, hein? Peut-être. Transparent, peut-être. Ensuite, on nous dit des tasses et des verres. Encore une fois, facile, parce que tu les casses de toute façon. Fait que même s'ils achètent cher... Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas vraiment la peine. Il risque peut-être un petit peu plus facilement ou tu sais des écorchures. Mais... Probablement. Peut-être qu'au lave-vaisselle, ils vont se faire un petit peu plus torturer. Je sais pas. Mais quand même, quand il brisera, ben, il aura coûté juste peut-être 1$ ou même 2 pour 1$, dépendant. Ensuite, on dit la vaisselle. OK. Dans la même ordre d'idée, oui. Peut-être la vaisselle de plastique. Je sais qu'il y a de la vraie vaisselle à certains endroits dans des magasins à 1$. J'en ai vu. OK. Mais c'est ça. Encore une fois, très cassable. Mais... On n'est pas trop regardant là-dessus. Ensuite, des contenants de plastique. C'est simple, ça aussi. Si t'as pas besoin d'avoir vraiment de la fraîcheur pendant des semaines avec des produits de marque plus... Mais je te dirais que le petit hic de celui-là, c'est le micro-ondes. C'est vrai. Maudit qu'il ramollisse. Les gens font l'erreur de le mettre au micro-ondes en se rappelant pas que celui-là, il l'a acheté au magasin à 1$. Et puis ça fond. ça te fait une assiette. ensuite, des cadres. Là, ça faut leur donner un cadre. J'avoue que j'achèterais sûrement pas ça ailleurs que là. Ah ouais? Okay. Un cadre, c'est un cadre, non? Bah ouais, ça dépend du design. Là. Souvent, c'est comme les assiettes. Tu te dis, c'est ce que ça fit chez nous. Est-ce que je veux ce design-là, ce blanc-là? C'est souvent très basic comme design, pas trop de fioritures. Mais quand même, pour un diplôme, peu importe, le diplôme vaut plus cher que le cadre. Des bonbons? Oui. En boîte ou en bar ou en n'importe quoi, ça, c'est toujours gagnant. Oui. On s'entend là-dessus. Il y a souvent des barres de chocolat qui ne sont pas trouvables ailleurs. Là, dans l'article de Money Talk News, on nous dit que la Coffee Crisp n'est plus disponible aux États-Unis, mais ils n'ont encore dans les magasins à 1$. Vite! On va se faire des reprovisions. Ils coulent leur stock, mais nous, on ne se passerait pas de Coffee Crisp. Ben non, jamais. Dans nos magasins. Vous, on dit que ça fait longtemps que j'ai mangé ça puis que c'est bon. Ah, que c'est bon! On devrait faire le top des barres de chocolat préférées. Oh, on n'a pas fini. On devrait l'écrire nous-mêmes, en fait. Oui, on pourrait le faire. Ensuite, des bas. C'est pas une mauvaise idée, des bas. Nice. Faut les changer plus souvent qu'à la normale. J'avoue que je me rappelle pas la dernière fois que j'ai acheté des bas. OK. Ils sont encore en parfaite forme dans un autre magasin. Ceux-là, peut-être que ça pourrait durer seulement quelques mois, mais c'est pas grave. T'aurais des nouveaux bas. Oui, à chaque jour. Nouvelle couleur, nouveau modèle. Ouais, c'est à ça. À chaque jour, son nouveau bas. des débarbouillettes et des serviettes. Oui. Pour la, pour la vaisselle. Des trucs comme ça que tu n'as pas vraiment besoin de qualité. Des lingettes, là. C'est pour. Tu sais, quand tu peintures, puis t'as besoin de débarbouillettes pour tes dégâts. Des torchons, si on veut. Oui, des torchons, exactement. On appelle. Pour serrer tes chaussures. Mm-hmm. Donc, toutes de bonnes solutions, de bons choix à faire dans un magasin à 1$. C'est selon Money Talks News. Qu'est-ce qui leur manque dans leur palmarès? Ben, du Kraft Dinner. C'est vrai, la nourriture. La nourriture qui est comme pareille qu'ailleurs, mais... Et on est chanceux avec les nouveaux produits à au-dessus de $1 dans nos magasins locaux que le Kraft Dinner, ben Colin, c'est du vrai. Ben oui, c'est ça, c'est du vrai. Alors que peut-être qu'avant, c'était pas nécessairement la vraie marque. Non, c'est ça. Qui était... Mais oui, ça, il est $1. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je sais pas si j'irais dans les jouets pour enfants, peut-être? Ben, je sais pas. Je sais pas trop. Livres à colorier. Bon, oui, certains. Pourquoi ça, pas? Certains. Il y a des magazines, je pense, même. Ah oui? Genre des vieilles affaires, je sais pas trop quoi. Du carton. Ah oh, oui, du carton. Des affaires de bricolage. Oui, tout ce qui est bricolage. Ciseaux, etc. Oui. Je viens avec ça. Donc voilà pour son foutu palmarès. On a une autre partie tout à l'heure, dans quelques instants, sur pourquoi les hommes aiment les saints. Ah ben là. Dans un tout autre ordre d'idée. Nous autres aussi, on complétera. C'est ça. Mais pour l'instant, voici ma cicotte. Chérie, je jappe. Ben oui. Ça, ça, hein? Ça fait. C'est ça, quand tu y pognes les... Massicotte à Assemblage Requis. Toujours. Chérie, je jappe. Chérie, je jappe. Toujours dans la chronique que sont foutus palmarès. Oui. Et là, on a vraiment une partie complètement stupide et vraiment pas importante de son foutu palmarès, mais on aime ça comme ça. C'est les raisons pour lesquelles les hommes aiment les saints. On remercie la science d'aimer. Pour le fait qu'on aime comme ça. Exactement. Donc, on dit que c'est dans l'ADN. Donc, l'obsession des hommes avec les grosses poitrines. Eh bien, c'est classique, mais c'est normal. C'est la façon, c'est l'évolution qui nous assure de trouver un bon partenaire. Donc, par l'ADN. C'est ce que ça nous dit. C'est ce que ça nous dit. Donc, pour que la race humaine survive, on a besoin des seins. L'âge est le premier facteur, l'âge. Les préadolescentes et femmes qui ont déjà vécu la ménopause ont une chose en commun par rapport à leur sein, c'est qu'ils ont presque pas de... j'aurais dû le lire avant celle-là. Oh. Mais quand même, c'est un bon indicateur de son âge, okay. La poitrine, par rapport à la grandeur de la poitrine. Donc évidemment, ça va nous attirer, peu importe l'âge qu'on nous attire. C'est d'accord. Ça. Ensuite, oui, je comprends. C'est ça. Le sexe face-à-face est le deuxième facteur. Étant donné que les humains sont parmi les rares animaux à avoir des relations face-à-face, évidemment, les hommes ont plus d'opportunités d'admirer la poitrine de la femme, ce qui fait qu'avec le temps, on associe la poitrine au sexe. Voilà. C'est clair, ça? Oui. Ensuite, on dit que le gras peut être sexy. Quand nos ancêtres vivaient dans des caves et qu'ils avaient très peu d'accès à la nourriture, une femme qui avait plus de gras avait plus de chances de se rendre jusqu'à l'accouchement. Donc, elle avait plus d'énergie à donner à son enfant. Les femmes qui avaient plus de réserves de gras devenaient plus attirantes, étant donné que les seins sont faits principalement de gras. C'est un symbole de leur capacité à emmagasiner du gras. Donc, ça peut attirer, ça attirait l'attention à l'époque des hommes des cavernes. Un symbole. Un symbole. Oh! Bol. Oui, bien sûr. Et évidemment, ben, c'est ça, on a un bon lien avec les seins, les hommes et les femmes qui préfèrent évidemment les seins. Mais c'est ça, c'est excitant. Selon Live Science, les études récentes nous apprennent que la stimulation du sein, voilà comme ça, augmente l'excitation chez une grande majorité de femmes. Ça active les mêmes choses dans le cerveau que la stimulation de l'entrejambe, que ce soit... clitorésienne ou vaginale. Donc, une fois qu'il est excité, tout le monde est content. Et voilà. Donc, tout le monde est content. Tout le monde est content. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs plus fun à savoir que ça pour lesquels on aime les seins? Parce qu'ils sont là. C'est ça, parce qu'ils existent. Ils existent. Ah. Pas mal la seule façon, la seule raison pour laquelle j'aime les seins. Voilà pour son foutu palmarès. Ça, c'était la crème de l'inutile. Oui. On se dépasse. Oui. Je me dépasse. Ah. Ouais. Au retour, hein? King Sexy Time? Ah ouais, là on y va. Plus des c'est juste une prémisse. Là. C'est ça, les préliminaires. Oui. Restez là. C'est fou dans vos oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 4 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. J'ai dit la date correctement. Oui, je suis fier de toi, Mathieu. Merci. Ah, c'est bon l'approbation de mon co-animateur pour la date. Ah. Tantôt, on va faire King Sexy Time. On a parlé un petit peu de Saint tantôt. C'était pour continuer dans le même domaine. On va faire tantôt une petite liste de faits sur les mamelons. OK. Mais juste sur les spécifiquement les mamelons. OK. C'est pour aller avec King Sexy Time dans quelques instants. Mais avant ça... Je dirais bien une personne qui a des mamelons, mais c'est une fille. Avec Claude Pelgag. Ouais. Voici la fièvre des fleurs. Moi, non. Hein. C'était un peu... Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie. Mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Je lui ai fait une tresse dans ses cheveux blancs qui traînaient partout par terre dans toutes les pièces de la maison. Elle m'a dit je veux m'évader, je suis tannée de manger toujours la même chose. Mais elle revint le cœur. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu portes ton nom de fleur qu'on apprend par le cœur. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu ressembles de plus en plus à quelqu'un que je connais pas. La fièvre des fleurs. Clopelgag. Ouais, assemblage requis. Maintenant, on va parler de choses un petit peu plus séduisantes que de la chimiothérapie et des histoires de maladies et de gens qui meurent, mm-hmm. comme dans la chanson. Oui. Voici Kinky Sexy Time. C'est Kinky Sexy Time, la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti. Jean-Philippe. Non, soyez-en averti. Ouais, toi aussi, là. Comme le fromage. Tu viendras pas, oui, tu viendras pas me dire à la fin que je t'ai pas averti. Non. Bon. Je suis prêt. D'accord. Toujours prêt. Savais-tu que les femmes, et là on nous dit, la plupart des femmes qui ont donné naissance à un enfant ont des labia minora plus sombres que les femmes qui n'ont pas eu d'enfant. Qu'est-ce que c'est, labia minora? C'est des petites lèvres. Ah, OK. Donc elles sont plus foncées. Mais les commentaires sur Twitter disent, ah oh non, moi c'est la même couleur. Donc ça décide de dépendre des femmes. Mais quand même, labia minora, petite lèvre plus foncée quand t'as accouché. Parfait. De petites quantités de plus de 30 substances différentes ont été identifiées dans le sperme, la semence humaine. Donc, entre autres, la nitrogène et le fructose. 30 okay. trucs des substances dans le sperme. Ingrédients. La liste défile en bas de l'écran. Qu'est-ce que la philophobie? Philo. La part de philo. Mince. Phobie. T'as peur des minces. T'as peur des gens minces, clairement. Philophobie, en fait, c'est la peur de l'attachement émotionnel. C'est la peur de tomber en amour. Oh. Être en amour. Il y a environ 1000 euphémismes reconnus pour le mot, pour l'entregent féminin, en fait, dans la langue anglaise. Donc, 1000 façons de dire vachin. Ah, oh, wow! C'est beau. Voici en rafale. C'est ça, il défile en bas de l'écran. Sur une distance d'une semaine, une longueur, une durée de une semaine, 22% des femmes vont dire à au moins 5 amis qu'ils ont eu une première expérience sexuelle avec leur copain. OK. Donc, sachez-le, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Après une semaine. 22% des femmes le font. La période la plus commune, la plus répandue pour une rupture est après quelle durée de couple, selon toi? Ah, oh, attends. Moi, j'ai 3 ans. C'est 3 à... come on. 3 ans? Ouais. Non, c'est 3 à 5 mois. Ah, 3 à 5 mois. T'étais bon pour le premier merde. Mois. Merde! Ça n'a pas duré longtemps. Il me semble que tout le monde dit « Ah, oh, 3 ans! » C'est vrai quand même, tout le monde dit ça. Trois ans! Avec cette voix-là. Même chez McDonald's, tu sais. Oui, qu'est-ce que vous allez prendre? Trois ans! Les couples qui attendent jusqu'au 6e à 8e rendez-vous, entre 6 et 8 rendez-vous, avant d'avoir des relations. Voilà, t'as un peu. Mais ça va foirer. C'est ça. Mon fait va foirer. Les couples vont attendre habituellement entre 6 et 8 rendez-vous avant d'entrer dans une relation exclusive avec l'autre personne. Ah, OK, ouais, je comprends. Une fois dit comme ça, ça a bien du sens. Ouais. Le jour de la semaine qui est le plus répandu, le plus commun pour un premier rendez-vous, pour 41% des célibataires, quel jour de la semaine est le plus populaire? J'hésite en 17, Mathieu. Non, ben, mettons par élimination, c'est clairement pas le dimanche. Non. C'est pas le lundi, c'est pas le mardi. Non. C'est pas le mercredi non plus. Oh! C'est le mercredi? Ben oui, c'est le mercredi. Ah, comment ça? J'étais vraiment comme volé le punch, hein? Ben l'air. Oui. Mais oui, c'est le mercredi. 41% des célibataires disent que le mercredi est la meilleure journée pour avoir un premier rendez-vous. Ah, je trouve ça bizarre parce que je me suis dit, jeudi, c'est les 5 à 7 au bureau. Fait que tu sais, souvent. Sentiment d'appartenance, oui. Oui, secrétaire. Secrétaire sexy. Ben oui. Faut le rajouter. Après ça, le vendredi, je me suis dit, bah, c'est la fin de la semaine. Tu sais, ça peut bien finir la semaine. Mais en même temps, le samedi, tu sais, t'as pu te reposer dans la journée. T'es pompé, ouais, souvent littéralement. Oui, oui, exactement. Tu sais, faire le ménage chez vous, pouvoir te dire, ouais, viens me chercher chez nous. Ah, tu prendrais-tu un petit café? Un petit café? Ouais, oui. Un peu de crème dans ton café. Ah! Oh! JP! Oh! Come on! Donc, okay, le mercredi, m'épate, Mathieu. Ça m'épate. Ouais, moi aussi, ça m'épate. C'est pour ça que je comprends pas qu'on fait mieux le 10-12, mais mercredi soir, ça. Ah! Comment? Voilà, les Ladies Night. Ladies Night? Ça explique tout. 40% des femmes considéraient domper leur chum si ses amis, à elles, ne l'aimaient pas. Tu comprends? Si les combien? Amis de la femme, 40% des femmes que leurs amis aiment pas leur chum, ils domperaient leur chum. Et que c'est sauvage, une femme. Vraiment, hein? Ah, c'est le même. C'est la bitch, plus tard. Ouais. L'homme moyen va voir 5 femmes par jour avec qui il aimerait coucher. Ah, juste 5? Juste 5. C'est toutes les amies de la blonde. Oui, c'est ça. Puis c'est les autres qui font comme « Ah, je l'aime pas ton chum non plus. » Tu fais comme « Merde. » Le pourcentage... Tiens, une question, je vais te poser sous forme de question. Le pourcentage des hommes qui disent qu'ils seraient confortables si leur copine avait une amoureuse lesbienne. Là, j'hésite entre deux extrêmes. Non! Tu sais, le gars en moi me dit au moins 60% des gens feraient comme « Oh, c'est malade! » C'est cool! Ouais. Puis en même temps, après ça, tu te dis « Mais merde! Hein? » écoute, 23%. Tranche en plein milieu entre les deux que tu as dit là. C'est 50%. Ah ouais? 50% des le pire, c'est que je me suis dit « Oh, je prendrais pas de chance, je vais dire 50%. J'ai une chance sur deux d'avoir. Ah. » Ah. Le point ne te va pas. Non, pas du tout. Le pourcentage de gens divorcent, okay, et qui finalement marient la personne avec qui ils avaient une relation extra-conjugale. Le pourcentage de gens qui divorcent de leur femme ou de leur mari pour aller ensuite avec l'autre personne. OK, fait que, mettons, 60? 10. Oh. Seulement 10%. OK. Des gens qui laissent leur mariage finissent par marier la personne avec qui ils ont une affaire. Ah ouais, ça fait du sens, parce qu'après ça, ils font comme « Babadou, moi je voulais rien de sérieux. » C'est ça. C'est pour ça qu'on... Hein? Pour ça qu'on... c'est ça. Voilà pour la première partie. On vient tantôt avec des faits intéressants, ou semi, sur les mamelons. OK. Mais pour l'instant, ah tiens, voici Mono Grenade. Et la chose qu'on regarde directement, tu vois deux... tu regardes deux affaires là, rondes sur la femme. Là. Ses yeux, évidemment. Comment? À quoi tu pensais, ses yeux? Ben, c'est ça. We'll be right back. C'était nos amis de Monogranade avec Tes yeux. Oui. À Assemblage requis. On était dans King Sexy Time, la chronique pour un public plus ou moins averti. Oui. Voilà. Et on va faire le palmarès un petit peu. C'est un peu sous la formule de son foutu palmarès. C'est une liste de faits. Ça ressemble à pas mal de chroniques que je fais finalement. c'est des faits sur les mamelons. Oui, OK. Tu sais, je me suis dit, c'est sexy. Ça, la priorité va toujours à ce que tu sexy. Donc, on met ça dans King Sexy Time. T'sais. Parfait. Voilà. Donc, commençons évidemment les mamelons. C'est une chose que les humains ont tous en commun. Hein, qu'ils soient en train de chiller sur notre poitrine là, ou qu'ils soient un petit peu plus gonflés. Volumineux, exactement. Ben, on connaît peut-être pas tant de choses que ça à leur sujet. En tout cas, moi, j'en ai appris bien des choses en regardant cette liste-là. Ben, évidemment, on connaît tous les faits de base, que les mamelons, tu sais... Tout ça, les seins, ça produit du lait, tu sais. Oui. C'est parfait pour allaiter, tu sais. Ça, c'est cool. ça sert à la base. Hein? Ça peut causer de l'excitation, hein, tu sais, comme on a appris tantôt. C'est ça que ça sert à la base. À la base. et que ceux des femmes sont plus sensibles que ceux des hommes. Oui. Sont, c'est ça. À la base. À la base. À la base. Bon, OK. Maintenant que tout le monde est sur le même pied d'égalité, allons-y. Allons-y. l'orgasme par le mamelon. Ah, OK. Ça veut dire que c'est possible pour une femme de se rendre jusqu'à l'orgasme simplement en jouant avec ses mamelons. C'est tout à fait vrai. C'est pas pour toutes les femmes, mais certaines femmes peuvent avoir ce qu'on appelle un orgasme génital qui est causé par la stimulation intense du mamelon. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Ensuite, parlons de areola. C'est les aréoles. Les aréoles en français. C'est comme si tu savais ça, toi. Ben oui, on dirait que je viens de taper... Comment appelle-t-on le rond? On dirait que je te l'ai demandé pendant la chanson. Oui. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est le petit cercle autour du mamelon. Ça s'appelle l'aréole. De petites ouvertures autour du mamelon qui s'appelle en anglais lactiferous ducts et qui en français s'appelle canal galactophore. Galactophore. Galactophore. On dirait le nom d'un super-héros. Oui, c'est ça. Dans une autre galactophore et plus loin encore. Donc, c'est ça. C'est ce qui envoie du lait pendant l'allaitement. OK. Tu as aussi des glandes sébacées hein, qui fournissent la lubrification, la protection. Et voilà, ça aide à pouvoir sucer si on veut pogner le liquide qui en sort. Voilà. Donc, c'est ça. Les aréoles ont plusieurs sortes de couleurs. Ça peut être de jaune pâle jusqu'à presque noir. Évidemment, la nuance, la teinte, la couleur va avec la peau de la personne, évidemment. Ben oui. Pour plus foncé, égale aréole plus foncé. La pigmentation est plus sombre autour du sein, mais en fait, autour du mamelon, pour que le bébé puisse le trouver plus facilement, nous dit-on. Les femmes qui sont plus sexuellement matures, on va avoir de plus grandes aréoles. Plus grandes que les hommes. Plus grandes que nature. Que nature et plus grandes que les plus jeunes filles. Ensuite, elles peuvent venir en paquet de 3. Comme on a déjà dit dans cette chronique-ci. Ah. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça dans cette chronique-là. Mais une personne sur 18 naît avec une troisième tétine. Okay. Une personne sur 18, donc n'importe quoi. Tu marches dans la rue? Ben oui, il y en a. C'est quand même beaucoup. C'est quand même pas mal. Donc, ils ont, je sais pas si on dit un sort ou si c'est une bonne chose, on sait pas trop. Donc, tout ça, évidemment, sert absolument à rien, la troisième tétine. C'est simplement un restant d'un mamelon qui, d'habitude, disparaît avant la naissance du bébé. Ensuite de ça, les hommes peuvent allaiter. Je te surprends là-dessus, j'imagine. C'est vraiment pas commun, évidemment, mais la male lactation, donc la lactation, si on veut, mâle, c'est arrivé quand même quelques fois à cause d'un traitement d'hormones pour le cancer de la prostate, ou contre le cancer de la prostate. C'est rare qu'on met ça pour avoir un cancer. Oui, c'est ça. quand même, on nous dit que les hommes et les femmes peuvent sortir du lait si on masse et qu'on suce trop. Donc, le sang. Voilà, eh ben. Pour une longue période de temps, longue durée. Voilà, les bébés maintenant, parlons de bébés. C'est vrai, donc on peut penser qu'évidemment, produire du lait, ça va être chez les femmes une fois qu'elles ont accouché. Mais non, ça arrive que le bébé lui-même sort de la mère et sort du lait de ses seins. Oui, tout à fait. Donc, nouveaux bébés qui peuvent aller sortir du lait, si on veut. Donc, c'est parfaitement normal et ça dure seulement quelques jours. C'est causé par l'estrogène qui est passé du bébé au bébé par la mère. Ah ben oui. Mm-hmm. OK, ben, le même concept finalement. Exactement. Pas mal la même chose. Ensuite, parlons de baleines maintenant. Tiens, les baleines qui ont des tétines qui sont différentes de celles des humains et même de celles des autres animaux parce que leurs jeunes, leurs enfants, leur progéniture, ils sont pas capables d'aspirer le lait. Ils sont pas capables de sucer eux-mêmes. Donc, en dessous de l'eau, c'est ça. Donc, c'est ça. La baleine, dans le fond, a des seins qui sont opérés par la mère elle-même, donc c'est elle qui décide quand le lait va sortir. Donc le bébé s'attache au mamelon et ensuite la baleine va éjecter le lait dans la bouche. C'est comme une hose. Un boyau d'arrosage. Oui. Avec un... Un pistolet. Ça sort ça comme un pistolet, oui, exactement. Ouais. C'est ça. Oui, on peut d'ailleurs acheter ça dans une infopub à la télé. un pistolet à lait. Un pistolet à lait. Bref. Voilà, pour c'est un fait. Pas c'est un fait, mais King Sexy Time, version c'est un fait, version quasiment palmarès, version plein de choses en même temps. Version sexy. Sexy, pas mal. Intéressant. Pas pire. Oui. Quand même, ça a bien de l'allure. On va entendre une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Je me risque avec celle-là. Est-ce que tu la reconnais? C'est Header 666. Ah oh, oui. Ben, moyen. Head Exist. Voilà, Head Exist. Exist. Mm-hmm. On va entendre évidemment la pièce qui est sur le palmarès anglophone, n'est-ce pas? Non? Elle n'est pas, hein? Ça? Elle n'est pas? Elle n'est pas là? Comment ça fait? OK. Ça, c'est ma faute. Je pensais qu'elle avait vu que dans le rack, c'était sûr que c'était pas le rack. Mais non, apparemment pas. Donc, à la place, on va entendre Ballader. Voici A Life Like This tout de suite à Assemblage Requis sur C'est Fou. Super, hein? Cool. Oui. Cool. Oui, Mathieu. Oui, je confirme que c'est cool. Parfait. Je suis comme embêté. Ouais. Je pense que c'est juste quelqu'un qui a foutu ça là-dedans pour rien. Pour nous mêler. Ah, c'est comme un gag. Il y a ici. Il y a une caméra là, il y a une caméra là. Ah, oh, caméra 3. Ballader, Life Like This. Très courte, mais très efficace pièce de cette formation qu'on appelle Ballader. Oui, c'est très bon. Oui, j'écoute ça tout le temps dans mon Ballader. Oui, dans mon Ballader. Pas pire. Ouais, c'était facile aussi. Mais c'est de mon calibre ce matin, tu sais. Oui. Ouais. Donc, tu sais, tantôt, là. Là, toi, t'as du goût, là, je sais. Là. Ah oui? Ça paraît, toi, t'as des choses à dire, t'as des choses à partager parce que t'aimes tout dans la vie, toi. Oui. T'es un amoureux de la vie, en fait. Si ton coup de cœur pouvait être la vie en général. La vie. Je vais faire ça. Voici Tu manges mon cœur. C'est Dimanche, mon cœur, la collée des coups de cœur des animateurs d'Assemblage Requis. Oui, monsieur. On le fait pas très souvent parce qu'on aime pas grand-chose en ce moment, donc c'est pas vrai. Je te laisse commencer, Jean-Philippe. Oui, OK. Bon, ben, excellent. Ben, écoute, je reste un peu dans la thématique qu'on avait hier du Super Bowl, mais ben, on oui. a oublié de s'en parler hier. C'est que moi, ce que j'adore du Super Bowl, c'est les publicités. Oui. Qui sont pas diffusées au Canada, mais qui sont... Malheureusement. Retrouvable 5 minutes après le Super Bowl sur toutes les... En HD, genre meilleur que la TV elle-même. Oui, c'est ça, un peu partout sur les interwebs. Et puis, moi, je suis un grand fan. Je sais pas si tu as eu la chance d'écouter les publicités du Super Bowl 2014. Colin, pas encore, mais j'ai besoin de me mettre à ça. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup de bonnes. Oui, puis écoute, je vais faire deux liens. Là. je vais mettre un lien. C'est quelqu'un bon, qui a fait son top 10, tout simplement, là, des meilleures publicités selon lui. Il y en a d'autres, ils sont pas toutes excellentes. Il y en a, je pense là-dedans, il y en a 7 que j'adore. OK. Quand même, c'est quand même bien. Ouais. Donc, vraiment, les publicités qui coûtent quand même vraiment très, très cher à diffuser pendant le Super Bowl. C'est quoi qu'on me disait? 4 milliards de dollars pour 30 secondes? Oui, c'est ça. C'est, 4 millions, excuse-moi. Oui, plus des millions que des milliards. Hey, wow. Et puis, beaucoup d'annonces de Doritos sont vraiment très, très, depuis quelques années... ils attendent en fait le Super Bowl pour sortir des nouvelles publicités. Ils roulent le reste de l'année avec ces pubs-là. Oui, c'est ça. Après ça, ils vont faire l'année avec ça, mais ils sont excellentes. Là. C'est vraiment très, très bon. Puis des Doritos aussi, c'est très, très bon. Donc, c'est ça. Je vais mettre le lien sur assemblagerequis.com pour que vous puissiez les voir, parce que ça sert pas vraiment à grand-chose que je vous décrive chaque publicité. Donc, c'est ça. Moi, ça serait mon coup de cœur très, très rapido les publicités du Super Bowl. Mais j'aimerais faire un lien, Mathieu! Permission accordée! Parce que, en fait, là, c'est dommage, puisque c'est passé. Sauf si vous êtes fan de publicité, en tout cas, à Trois-Rivières, c'était jeudi passé. C'est les Lions de Cannes qui étaient présentés à la salle Louis-Antonio Thompson. Louis-Antonio? C'est ça. J-Antonio Thompson. J-Antonio. Louis-Antonio. Oui. Je pensais à Louis Vuitton. C'est comme Louis-G. Oui, c'est ça. Louis-G-Antonio Thompson. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit Louis. Je pensais à lui. Oui. Bon, en tout cas. C'est ça. Donc, J-Antonio Thompson, à quelle heure? Mais j'adore ça. Oui. Et puis, donc c'est ça. Peut-être que vous avez la chance d'aller les voir ailleurs. Si vous l'avez raté, c'est ça. Moi, je ne pouvais pas y aller ce jeudi-là. Puis moi, je m'en mordais les doigts. Là. Regarde, j'ai plus rien. J'ai des moignons. Moi, j'ai même pas entendu parler de ça cette année. Ah, mais il y avait des j'entends après tout le temps. Ouais, mais il y avait beaucoup d'affiches dans le centre-ville. Ouais. Peut-être moins de publicité. Je sors pas. En tout cas. Ça vaut vraiment la peine. Avant, je les louais. Ça se louait sur demande, mettons. Hein? Pour vrai? Oui. Oui, je faisais des projections chez nous avec des amis. Est-ce que ça se fait encore? Ou? Je le retrouve plus nulle part. Puis j'ai essayé de voir si on pouvait les télécharger par Internet. Je suis allé voir sur le site Lyon de Cannes. Je pensais qu'il en ferait la promotion. Ça dit c'est qui a gagné et tout. Après ça, il faut que tu copies, coller, aller dans YouTube. YouTube. Ou sur les Google, chercher ça. Donc, ça se fait, les retrouver. C'est un peu plus de job que si, mettons, il avait mis tout ça un à la suite de l'autre. Et puis ça, écoute, je trouve ça malade. Je me souviens d'une annonce. Beaucoup d'annonces de chaussures qui dépensent des fortunes. Là. C'est des annonces qui durent à peu près 2 minutes. Quand même, c'est énorme. OK. Puis il y en a beaucoup que ça gagne meilleure chanson. C'est ça. Fait que, allez voir si jamais vous avez la chance, si vous voyez ailleurs. On peut peut-être regarder rapidement là, pendant que tu feras ta chronique. Je pourrais peut-être regarder rapidement s'il y a d'autres projections dans le coin. Mais en tout cas, pour Trois-Rivières, chose certaine, c'est chose du passé. Donc à reprendre l'année prochaine, puisque ça fait quand même quelques années là, qu'ils font la projection à la salle. J. Antonio Thompson. Le frère de Luigi. Oui. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on vient de découvrir. Moi, de mon côté, c'est juste une petite chanson qui vient de sortir. Tu connais le groupe Anamana Gucci? C'est ceux qui font la chanson thème du Mathieu Plancho. Oui. En tout cas, que moi, j'adore cette formation-là. Je les ai manqués quand ils sont venus en spectacle il y a quelques mois à Montréal, malheureusement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai manqué ça et je m'en veux depuis. En ce moment, ils sont en tournée pas mal en Europe et en France, pas mal en Europe, ça aussi. Hein, ben oui. À hein. Paris. Mais moi, c'est ça, il y a une nouvelle chanson qui vient de sortir sur SoundCloud. Elle s'appelle Prom Night, featuring, en fait, c'est Prom Night, c'est déjà une chanson de leur plus récent album. Mais ça, c'est une nouvelle version. Ils l'appellent la 2K14 Radio Edit, featuring Bianca Raquel. C'est une de leurs chansons qui est le plus, disons, grand public dans ce qu'on peut faire avec du chiptune. OK. Chiptune qui est tout le temps de la musique de jeux vidéo ou qui sonne jeux vidéo. Anamana Gucci qui est un groupe de rock indépendant de chiptune. Ils font ça avec de vrais instruments. On les voit en spectacle. Ils font vraiment ça avec de la guitare et des claviers. C'est super cool. C'est de la musique genre énervée, un petit peu bruyante, NES style 1985. C'est ça, on va entendre la pièce tout de suite sans en parler plus que ça parce que j'ai déjà parlé de ce groupe-là maintes et belles fois. Donc je vous suggère l'extrait Prom Night featuring Bianca Raquel tout de suite. Bianca Raquel. À son âge requis, tu manges mon cœur. Oui. be lying next to anyone, but I'm still thinking of you. You're like the lighter to my cigarette, can't set the flame without you. Prom Night featuring Bianca Raquel, version 2014 Radio Edit par Adam Anagucci. Ça a groové. Pas mal. Ben, comme je disais, c'est un petit peu mainstream dans le sens que, tu sais, ben, la petite voix de la fille qui chante comme ça, on s'entend que c'est du déjà vu. Mais j'apprécie cette pièce-là. C'est une des plus accessibles sur l'album Endless Fantasy de Adam Anagucci. C'est leur troisième pièce, leur troisième single de ce CD-là. Parce que oui, croyez-le ou non, des fois ça arrive qu'il y ait du chiptune à la radio. Dont au Mathieu Plancheau les mercredis à 16h. Ah, voilà. Belle blague, ça. Assez fou, c'est pas mal la seule place que vous allez en entendre. Ne vous en faites pas pour ça. Donc c'est ça, c'est très très bon. Et c'est sur l'album Endless Fantasy que je vous conseille du début à la fin. Si vous allez, sur YouTube et que vous tapez Endless Fantasy Adam Anagucci, ça va se taper tout seul parce que tu mets trois lettres puis YouTube complète ça. Il y a l'album au complet, genre, okay. En un seul long MP3. Fait. Je vous conseille ça. Toi, tu nous avais conseillé les publicités du Super Bowl. Le lien est sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Il y a aussi les Lions de Cannes. Et si vous aimez les publicités, écoutez donc la chronique Le Bloc Pub les jeudis dans Assemblage Requis où on parle de publicité. Voilà. Sauf pas du Super Bowl parce que c'est, ouais, c'est pas mon domaine. Voilà. à un moment donné. Voilà pour Tu manges mon cœur. Oui. Cool. Hein? On prend une petite pause. Au retour, une dernière demi-heure à remplir de quelque chose. Direct au CIFOU.ca. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. On était là le matin en train de se gâter, on parlait de publicité, on parlait de sexe, on parlait de scène. Puis là, pouf, on est mort. Le pouf, on est mort, mais il nous reste encore une demi-heure ensemble avant la fin de notre vie. Fin. C'est ça. Tantôt, Alexandra Carignan s'en vient avec sa superbe chronique « Le temps d'une culture ». C'est pas vrai que je l'ai oublié. Là. Tantôt, quand je dis qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, mais je savais pas quoi, c'était juste une blague. Là. Je savais très bien qu'Alexandra s'en venait. Là. OK. Quand même, je suis pas du genre à oublier ça, ça va faire que... Voici Radical Face et Holy Branches. Branches de Radical Face. Assemblage requis. T'as-tu vu ma face comment elle est radicale? Ouais, rad. C'est une face de radis. Ah! Oh! Ouais, comme Stéphanie, mais elle, c'est pas un radis. C'est Stéphanie. Paradis. Mais c'est pas elle qu'on reçoit. Je... Ouais, non, merci. Non, c'est parce que c'est le moment, un peu comme dans les autres radios, ils vont tout le temps dire l'heure pour que tu puisses arranger ta montre à l'heure, tu sais. Oui, au signal, il nous, sera 9h05. Et nous, au signal, il sera... Le temps d'une culture. Hein? Tu, on, ouais. Celle-là, je ne l'ai pas vu venir. On s'en allait dans le même chemin. Ça n'avait pas rapport à ce qu'on disait avant, par contre. C'est ça le problème. Mais bon. Yeah. Yeah. directeur de culture avec Alexandra Carignan. Salut! Allô! Hey! Content de te revoir! Ben, moi aussi! Bon. Moi aussi! C'est le fun! Oui. On est tous heureux ensemble! Ben oui, c'est ça qu'il faut parce qu'on a une belle journée. Je parle tout le temps de température. Je pense que ça teinte mon matin parce qu'en fait, tu sais, je sors dehors puis j'arrive ici. C'est vrai, je sais pas d'où vient ma mauvaise humeur parce que pourtant il fait beau dehors. Mais c'est vraiment une belle journée. Dehors. C'est une très belle journée. Il fait un petit peu froid. OK. Mais on est bien dehors. Bon, est-ce qu'on amène le petit manteau, la petite veste? Toi, t'es en camisole. Ben moi, je suis pas une bonne... ouais, ben là, j'ai enlevé ma... Mais en fait, moi, je suis pas une bonne juge parce que je mets juste ce que ça me tente de mettre. Ah, si c'est beau. Que s'il fait vraiment fret, mais que j'ai le goût de mettre mon petit coat pas chaud, ben je mets mon petit coat pas chaud. Ah, c'est le fun, j'aime ça. Ça dépend de comment je m'habille parce que mes manteaux fit avec certains habillements. Ah, je vous en parlerai à Maxime. Ça, c'est ça. À quand la chronique mode d'Alexandra? Hey! N'importe quand, pour vrai, j'aime vraiment ça la mode. T'es toujours bien habillée. Bon, bref. Mais mon Dieu, merci. Et écoutez, mais on parle pas de ma mode. On parle de la culture en général à Trois-Rivières. Oui, mercredi, je vois qu'il y a Kiro qui va être oui. en spectacle. C'est jeudi. Ah, c'est jeudi. Jeudi, il y a Kiro à 15h à l'UQTR. C'est ici, ça? Wow! C'est pas cher en plus, c'est seulement. Non, non c'est ça. Seulement 20$ l'entrée. C'est ça, bref. Hey, oui, il y a plein de choses qui se passent cette semaine, autant du côté d'art visuel que du côté musical. On va y aller chronologiquement. Donc, chronologiquement, c'est-à-dire? Ouais, c'est exactement. Ah, ce j'arrête de parler de ton chiro, ça va. Alors, premièrement, en fait, bon, hier, il y avait un match d'arbitre. Alors, si vous avez manqué ça, ben moi aussi. Je vais pouvoir te leur mettre sur le nez tout le temps. Ben oui, parce que je suis presque là toutes les semaines. Là, j'ai pris une pause hier. Là. À ma nez, là. C'est le contraire, moi. Je vais jamais, puis un jour, je vais y aller. Ouais, c'est ça, puis je vais te leur mettre sur le nez quand tu vas y aller. C'est ça. Drôle. Mais si vous voulez encore de l'improvisation, eh bien ce mardi, donc aujourd'hui, à 20h, il y aura la Ligue d'improvisation mauricienne. Ce soir, c'est les Blancs qui rencontrent les Mauves. Et petit spécial de plus, eh bien, chez les Mauves, non seulement on a le substitut, donc Xavier Bouchard-Paquin, qui va jouer, mais aussi on fait venir un nouveau joueur. En fait, que, bon, les deux filles de la formation ne sont pas là. Dont une qui s'est quand même pas mal ramoché la jambe. Alors, bon, c'est ça pourquoi Xavier entre. Mais il y en a une qui n'est pas là. Alors, le capitaine Alex Drouin a fait appel à un joueur de la Livre de Victoriaville. En fait, c'est François Jean. Et là, j'ai dit Livre de Victoriaville, mais François Jean, c'est une légende d'improvisation au Québec. Là. Plus gag d'improvisation parce qu'il est dans toutes les gags de tous les tournois. Il est quand même assez jeune, là, il est dans la vingtaine. Mais c'est un très bon joueur. Il a joué. En fait, il est arbitre à la Vie de Québec. Il a déjà joué dans la Lui. Et là, en fait, en ce moment, il est à la Vie, à la Livre de Victoriaville. Alors, c'est un joueur qui va venir jouer ce soir à Trois-Rivières. Un excellent joueur. Pour l'avoir croisé en tournoi, là, c'est non seulement un bon joueur, mais qui s'est bien construit. Il est drôle. En tout cas, il est très drôle. Un compliment si vite retiré. Oui, oui quand même, retiré. Pour en mettre un mais moins là, bon. Il est capable de construire, c'est pas vrai. Là. Okay. Je blague. Mais en fait, il est très drôle. Moi, il a pour un vrai, style. Oui, il est bon au Lego. Je me tâme pas de François Jean. C'est un nom qui vous dit quelque chose. Eh bien, il est venu jouer cet été au happening d'improvisation aux Zenob. Alors, peut-être que vous l'avez déjà croisé là, lors de cette occasion-là. Alors, ce soir, la LIM, 20h, 5$ étudiants, 6,50$ pour les adultes. Alors, pour les adultes. Les adultes. Ben oui, c'est vous autres, ça, les adultes. Eh, hey, merci. C'est ça. C'est fine, c'est ça, pareil. C'est pas moi. Ben non. Voilà, c'est ça. Alors, ce soir, mardi. Sinon, en fait, il y a une projection de l'ONF aussi, le mardi. Donc, à la salle Anaïs Allard-Rousseau, juste à côté. En fait, le documentaire, c'est Vie pigmentée. Alors, sur les... en fait, sur le... Tout ce qui traîne autour de la pigmentation dans l'Asie. En fait, il y a particulièrement en Inde, il y a des personnes, des hindous qui vont payer pour se faire changer la peau parce que ceux qui sont blancs sont considérés comme riches. Alors, il y a toute une hiérarchie qui se crée face à la couleur de peau et il y a même il y a des trucs pas catholiques là, qui se qui ont lieu dans ces pays-là en rapport avec... le changement de peau. Alors, Vie pigmentée sera présentée mardi, ce soir, en fait, à 19h30, pardon. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. Ceux qui veulent y aller. Alors, donc, les documentaires de l'ONF. Si vous ne voulez pas voir Vue Pigmentée, mais que vous voulez voir un ONF, eh bien, mercredi, soit demain, 19h30, toujours à la même heure, eh bien, c'est Sexe à vendre, qui est un documentaire sur la législation entourant la prostitution au Canada. Ça a l'air super intéressant, sujet très actuel, en fait, parce que, bon, récemment, on a décrété que les lois sur la prostitution n'étaient plus à jour. Donc, on va retravailler ça cette année. Si vous voulez suivre le débat et en savoir un petit peu plus là-dessus, eh bien, allez voir le documentaire Sexe à vendre, mercredi, 19h30, toujours gratuit. Donc, les documentaires de l'ONF. Jeudi, pour les plus musicales, eh bien, il y a la magnifique Claude Pelgag qui sera à la salle Louis-Philippe Poisson. Claude Pelgag qui commence à se faire connaître de plus en plus avec une belle musicalité, mais aussi des très belles paroles. Je sais pas si... Ben, je pense qu'on l'a sur le palmarès. Oui. Ouais, bon, ben c'est ça. Elle vaut la peine. Elle est belle. Elle sera à la salle Louis-Philippe Poisson, formule cabaret. Alors, ça vaut la peine. Ça va être très, très beau. Et sinon, encore musical, et ça c'est gratuit parce que, bon, Claude Pelgag, faut payer. Mais samedi, eh bien, ce sont les Nuits polaires qui viennent en ville et on a Mister Valère gratis. Aïe, aïe, hein? Dehors. Quand même. Et là, vous dites, mais là, ça va être frappe dehors sur du Mister Valère. Ne vous inquiétez pas, vous allez danser. C'est chaud. Et oui, parce que pour vrai, pour les avoir vus à de nombreuses reprises en spectacle, je ne me tanne jamais, premièrement. Et deuxièmement, tu peux pas t'empêcher de danser. Et c'est impressionnant à voir en spectacle. Ils sont venus ici à l'UQTR, v'là 3 ans peut-être? Oui, environ. Ouais. Pour, je pense que c'était le spectacle à rentrée ou le carnaval. Je sais plus. Je mets les mélanges tout le temps. Mais bref, ils étaient venus dans 10-12. C'était hallucinant. Alors, ça vaut la peine de voir un spectacle. Et là, si vous n'êtes pas certain, on s'en fout. C'est gratuit. Ben, c'est gratuit. Puis tu sais, si vous avez trouvé ça impressionnant au 10-12, dites-vous que ça peut juste être meilleur sur une scène. Oui, parce qu'au 10-12, tout est meilleur au 10-12. Merci l'acoustique. Mais pour vrai, Mister Valère, ça vaut la peine. C'est à 21h30 au centre-ville. Si c'est comme l'année dernière et les années précédentes, la scène est située sur la rue Art. OK. Donc, elle fait face à ce qui est la crèmerie Évangeline puis tout ça là. Mm-hmm. Donc elle fait face à ça sur la rue Art. Ça vaut la peine. Mm-hmm. C'est vraiment le fun. Il y a une belle ambiance aussi. Et là, je vous dis, là, il y a le spectacle de Mister Valère, mais il y a des kiosques un peu partout. Le centre-ville là, s'anime durant les Nuits polaires. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la programmation des Nuits polaires. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a Mister Valère, mais il y a aussi DJ Abeille. Il y a les 3 accords qui viennent, pour ceux qui les ont manqués au carnaval ou dans les 12 dernières fois qu'ils sont venus à Trois-Rivières. Genre, on dirait que c'est l'année pour faire venir les 3 accords partout. Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave, parce que les 3 accords, c'est le genre de groupe que même si tu les as vus 3 fois en show, tu vas quand même avoir du plaisir à aller les revoir. Mmh. Ça, c'est l'avantage de ça. Donc, je vous invite à aller voir la programmation des Nuits polaires, mais c'est sûr que moi, je suis là à Mister Valère. Et juste avant de vous aligner la programmation d'art visuel, on va aller écouter justement une chanson de Mister Valère, ma préf, donc Get Law. Yeah. C'était Don't Get Là de Mister Valère. Si vous avez aimé l'énergie qui sortait de cette chanson-là, eh bien, j'espère vous voir samedi prochain aux Nuits polaires à 21h30. Parce qu'ils seront là. Et moi aussi. Ils seront là. Toi aussi, get là. Non, elles aussi. I will. Elles aussi, get là. I will get là. Oui. Yeah. On n'a pas terminé. Il reste encore une autre rubrique dans ta chronique. Ben, en fait, il reste le pendant visuel parce que ben c'est ça. Je suis une fille visuelle. Eh bien, il y a deux expositions que je vais vous parler aujourd'hui. Premièrement, la nouvelle exposition au Centre d'exposition Raymond Lagnier. Printed in Taiwan. Et là, loi 101, calmez-vous. parce que c'est un clin d'œil à Made in China. Mm-hmm. Donc là, c'est Printed in Taiwan. Ce sont des artistes taïwanais qui sont exposés au Centre d'exposition Raymond Lagnier. Plus de 33 artistes. Et en fait, le but, c'est c'est une exposition en partenariat en fait avec Guy Langevin, qui est un artiste qui fait de l'estampe ici à Trois-Rivières, très, très reconnu. Et un artiste taïwanais dont je tairai le nom pour ne pas l'écorcher. Son nom, mais non pas l'artiste. Alors, je tiens à mentionner. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que en ce moment, on a Printed in Taiwan, mais au mois de mai, à Taïwan, il va y avoir Printed in Canada. Oh, wow. Alors, c'est vraiment un échange et c'est pour montrer l'éventail de l'estampe mondiale, en quelque sorte. Bon, vous allez me dire, ben là, la Biennale internationale d'estampe fait ça chaque 2 ans. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit pas à la Biennale. On voit vraiment de partout dans le monde. Là, on va focusser sur Taïwan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas juste des trucs traditionnels. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'œuvres. Ils sont tous collés une à côté de l'autre, là. Il y a beaucoup d'œuvres au Centre d'exposition Raymond Lagnier. Et c'est très beau. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement un grand éventail qu'on peut tous trouver une œuvre qu'on aime particulièrement. Alors, on a de l'art traditionnel taïwanais en estampe. Évidemment, c'est de l'estampe, là, juste de l'estampe. Et il y en a un peu plus photographique. Moi, mes préférés, c'est les photographiques. Là. Donc, où est-ce qu'il y a un mélange de l'art et de la photographie dans l'estampe. Mais il y en a aussi beaucoup plus abstrait, moderne. Alors, c'est très intéressant d'aller voir ça. D'aller voir un côté, en fait, moi, le Taïwan, c'est quelque chose qui est abstrait dans ma tête. Eh bien, là, on met un petit peu là, des visages sur l'abstrait. C'est ça. Ça se dit plus ou moins. T'aimerais bien y aller, comme dans Taïwan, go there! I wanna go there! Il y a une volonté. You know? Ouais. Mais ça vaut la peine d'y aller. Donc, Printed in Taiwan au Centre d'exposition Raymond Lagnier. Et par cause de voyage, eh bien, l'exposition a commencé depuis le 26, mais le vernissage est ce dimanche. Et si vous venez au Centre d'exposition Raymond Lagnier, non seulement vous avez une coupe de vin gratuite parce que c'est un vernissage, mais aussi il va y avoir des Taïwanais présents pour le vernissage. Oui. C'est ce qui fait en fait que le vernissage, on le fait 2 semaines plus tard. C'est que c'est pour coordonner. En fait, c'est pour adonner avec leur venue ici à Trois-Rivières. Alors, si vous voulez rencontrer des artistes et parler à travers le traducteur, eh bien, vous pouvez le faire. Wow. Parce qu'ils seront là. C'est une expérience à vivre. J'ai rêvé de faire ça un jour. Ah ouais? Ben, tu sais, de parler à un traducteur pour qu'il... Ça, en même temps, ça te donne l'air big shot. Non? Brasser de la big business. T'as l'air big shot. Oui, vraiment. À un autre DG de radio universitaire de Taïwan, mettons. C'est ça. Tu peux faire ça dimanche prochain au vernissage de l'exposition. Wow. Et écoute, c'est kiff-kiff, là. Tu peux passer ta journée dehors au nu polaire et aller te réchauffer. Avec, on sert aussi du jus de pomme, là, si t'aimes pas le vin. Alors, hein, ça vaut la peine. Alors, Printed in Taiwan au Centre d'exposition Raymond Lagnier qui sera là tout le mois de février. Et sinon, c'est une exposition que j'ai découverte en fin de semaine. En fait, le vernissage a eu lieu samedi. C'est Gris numéro 5 de Gabriel Buisson. Gabriel Buisson qui est un étudiant à l'UQTR et il présente à... c'est en fait le collectif de la main perdue, mais c'est dans la juste à côté de la boutique ATD. Donc, ATD boutique, atelier. Donc, on entre dans ATD et lorsqu'on va à droite, on a la galerie d'art de le collectif de la main perdue. C'est beau, son exposition Gris numéro 5 de Gabriel Buisson. Lui, ce qu'il fait, en fait, c'est un mélange de sérigraphie, encre, mais aussi crayon, le tout dans une esthétique très de tatou. Moi, j'aime ça, l'esthétique tatou. Ah oui. Donc, il va aller chercher ça, une symétrie aussi. Donc, l'œuvre, elle est quand même entière, mais on peut clairement voir qu'il y a une symétrie dans l'œuvre, donc que les deux côtés sont similaires. Et ce qui est intéressant, c'est que les dessins sont faits à la sérigraphie, mais il y a de l'encre qui est ajoutée, qui ajoute de la couleur, mais une encre qui est assez particulière, très pastel, mais pas dans le sens kitsch. Mm-hmm. Pour vrai, là, c'est, ça m'a bien étonnée. Ouais, pour vrai. C'est, j'ai de la misère à expliquer, mais c'est très beau ce qu'il fait. Je m'attendais pas. J'avais aucune attente. En fait, on m'avait dit « Voilà » pour le couvrir pour le journal. Et finalement, j'ai été agréablement surprise. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il vend des sérigraphies de ses œuvres à 25 $. Et est-ce que tu peux les amener, mettons, chez un tatoueur et peut-être te faire faire un tatou avec ça? Ça tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Il en fait pas lui-même, fait que c'est pas comme si on lui enlevait son argent en faisant pas faire le tatou lui-même. Il pourrait se lancer dans le tatou s'il fait de la sérigraphie. Il pourrait se lancer dans le tatou. Je sais pas si c'est ça son but. Peut-être. Je sais pas. J'ai pas dit toi dans la vie, Gabriel, que veux-tu faire? Peut-être que c'est ça. Mais donc 25 $, c'est pas cher. Mais pour vrai, oui, c'est ça que je trouve intéressant. T'as bien sûr les sérigraphies avec de l'encre là, qui sont un peu plus chères dans les centaines de dollars, ce qui est normal, même pas très cher. Mais on peut acheter aussi une sérigraphie avec aucune couleur, mais qui est très très belle. Donc, au coût de 25 $. C'est ce que je trouve intéressant, là, les jeunes artistes. Il y a aussi, là, surtout les jeunes, c'est sûr qu'il faut qu'ils réussissent à vendre leurs trucs. Mais c'est que tu as des belles œuvres, une bonne qualité, mais à bas prix. Alors, ça vaut la peine. Allez le voir, c'est gratuit. Et en même temps, vous pouvez voir les magnifiques bijoux qu'il y a à tes deux boutiques ateliers. Et c'est beau fleurs aussi. Pour vrai, c'est beau ce café. Alors, Gabriel Buisson, gris numéro 5 à ATD Atelier. Et ce, jusqu'au 28 février. C'est tout pour ma chronique. Waouh, c'est beaucoup de choses. J'ai garoché hein? plein de choses. Ça en fait des affaires à aller voir et aller. C'est une grosse semaine. Ouais. En effet. Vous avez plein de choses à faire cette semaine. On aime ça. Merci, Alexandra Carignan. On va se quitter avec une pièce de Haim. Ah oui. Pourquoi pas? On a joué The Wire cette semaine. Donc, est-ce que tu aurais une autre pièce à nous recommander? Pour vrai, la première, Falling, c'est ma préférée. On écoute Falling Haim sur l'album Days Are Gone. Merci, Alexandra. Et merci à vous. Gonna turn me around. Just one more step, I could let go. I'm in the middle. I hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now. 'Cause I'm a slave to the sound. And they're calling, don't stop, no, I'll never give up, and I'll never look. Your head up, and if it gets rough, it's time to get rough. They keep saying, don't stop, no one's ever enough. I'll never look back, never give up. And if it gets rough, it's time to get rough. To me. Haim. La pièce s'appelle Falling. Quelle belle découverte que ce Haim. Ah, c'est grâce à Alexandra Carignan, ça. Hey, mon sunshine, when dream time. Ouais. Ouais, je vais te prendre un sandwich au Haim. Je finis le tac. Waouh, hein, ça a mal commencé, mais ça finit très bien. Voilà pour j'ai, mal au, j'ai mal au Haim. Tu dis n'importe quoi, là, ça n'a même plus rapport. On se retrouve demain. Avant ça, on va remercier les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Jean-Samuel Guy était là pour sa chronique Prunes. Alexandra Carignan était là pour sa chronique Le temps d'une culture. Et nous, on était là. Donc, félicitations à toi, Jean-Philippe Charbonneau. Oui, on aime ça. On aime ça. Ça, c'était drôle, par exemple. Ça allait okay, merci. Il hey, fallait pas que je quitte sur ça. Là. Écoute, je suis dans une pente descendante, Mathieu. T'as encore le temps de tout gâcher d'ici les 30 prochaines secondes. Tout à l'heure, à 11h, le dîner avec Danny Janvier. Ensuite, rock classique à 13h. 19h, c'est réanimation, l'émission de métal et d'horreur. Mais dans quelques instants, dans moins d'une demi-heure, c'est Les Mâles Honnêtes, l'émission d'affaires publiques. C'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagerockey.com pour la balado les balado-diffusions, dis-je bien. Et les notes de l'émission. Je les ai en fermant les yeux. Il a vraiment fallu que je me concentre. Mais j'ai envie de tousser. OK. Je te donne encore 25 secondes. Parfait. Facebook.com/assemblagerequis, Twitter.com/assemblage, c'est fou. À demain, JP. À demain? Non. À pas demain? Pauvre toi, t'es pas là demain. C'est Stéphanie Paradis pour les mercredis et jeudis, comme toujours. Oui, mais on s'en voit. C'est ça. Puis à demain, on sort. Bye. Bye.